côté. À cheval, on va faire le tour des monts d'Aubrac. Ah oui ? Dans le sud. Nous faisons une expérience sans aucunement savoir que nous faisons une expérience. Les expériences se succèdent jusqu'à ce qu'un jour nous décidions que ces épreuves étaient des expériences. Nous nous sommes spécialisés. D'une expérience totalement méconnue à une autre expérience complètement méconnue, et ainsi de suite. Nous sommes devenus un spécialiste. Un jour, une expérience nous révèle. D'une part, elle nous révèle. Elle révèle notre tendance à l'expérimentation, notre symptôme, notre maladie mentale, notre nuisible tendance à l'expérimentation. Et d'autre part, elle nous révèle que ce que nous croyions auparavant un accident, un fait accidentel, un hasard, une rencontre hasardeuse, est une expérience que nous menons bon gré mal gré depuis toujours. Nous allions d'expérience en expérience, en toute innocence, en toute ignorance. La tête en l'air et les yeux dans le sable. Et nous apprenons accidentellement que nous sommes en vérité un expérimentateur. Spécialiste, c'est-à-dire un tricheur, tout simplement un tricheur, un falsificateur, un tripoteur d'expérience. Nous voyons subitement, à la faveur de cette expérience supplémentaire, de ce débordement expérimental qu'il n'y a jamais eu dans notre spécialité, qu'expérience menée frauduleusement par en dessous, sans que nous en sachions le traître mot. Prétendions vivre au présent. Et l'expérience nous détrompe. Un coup d'œil hors du sable, et nous voyons comme nous avons organisé les faits. Nous voyons comme nous vivons dans le futur, sans rien accueillir du présent, que ce qu'il nous promettrait. Nous dévoilons notre pensée vérificatrice, notre calcul d'expérimentateur impénitent, de physicien maladif, de débiles s'assurant d'une puissance calculée. L'expérience supplémentaire, qui ne l'est que d'avoir été nommé tel, désignant toutes les précédentes, sous le même terme, sous ce terme même d'expérience. Ce qui nous aurait paru très incongru avant ce malheureux trébuchement de ce qui n'était rien à ce qui nous désigne comme expérimentateur. Cette expérience même n'a aucune autre valeur que celle de nous désigner tel expérimentateur impénitent, spécialiste impérieux, fraudeur, arrangeur, falsificateur. Acheter du pain, récupérer deux pantalons au pressing, jeter les poubelles. Tout ce que nous avons vécu est réarrangé de fond en comble par la dernière expérience, par la première des expériences à être reconnue comme telle, par l'expérience qui renomme expérience toutes les expériences menées précédemment, dans l'obscurité la plus totale, dans l'ignorance la plus naïve, la plus imbécile, la plus dangereuse et la plus obscène. Croyons jouir du présent et l'expérience à coups de marteau nous cloue le pied. Non, les pieds dans cette boue depuis toujours. Nos gros sabots dans l'expérience depuis toujours. Impunément falsificateur dès notre première tentative. Voyons, jeter les poubelles, récupérer deux pantalons au pressing, acheter du pain. Madame Plantin Duruti dit à son amie Odile Ducrat qu'elle prépare une randonnée à cheval, style genre autour des monts d'Aubrac, dans le sud. Ah oui ? Répond Odile Ducrat. Odile Ducrat est la maîtresse d'Olivier Duruti, et Géraldine Plantin Duruti se réjouit de lui apprendre que le séjour qu'elle prévoyait, elle, Odile, avec lui, Olivier, au Palazzo d'Estoril, tombe à l'eau. Madame Plantin Duruti entend parfaitement. Longer le projet de son amie Odile, par ailleurs maîtresse de son pharmacien de Marie, lui-même cocu à 100%, car elle couche avec l'amour transi d'Odile. Rendez-vous compte, Madame Plantin Duruti à l'oreille fine. La chute à l'eau des projets d'Odile, produit un bruit d'éclaboussement cruellement audible. On est en train de préparer une randonnée pour cet été. À cheval, on va faire le tour des monts d'Aubrac. Ah oui ? Genre style dans le sud. Oui. L'instant a passé. Le présent a passé. L'expérience éternise la chute à l'eau des projets d'Odile. À la baille, les projets adultérins d'Odile. Madame Plantin Duruti en jouira éternellement. Vieillie, défaite, clouée par la Parkinson ou la décalcification, l'instant reviendra, l'expérience à portée d'oreille, tympan marqué, c'est comme l'amour pour la vie. Deux pantalons, du pain, les poubelles. Nous nous livrons en ce moment même à l'expérience en cours. Notre alambic auditif gargouille à plein régime. Le pinson se révèle quintessemment pinson, la poule d'eau quintessemment poule d'eau. Cela ne peut en être autrement. Le vacarme sourd et lointain de l'avion, le chointement agressif du train de banlieue embourbe le prétendu chant du pinson, le prétendu cri d'appel de la poule d'eau. Le présent de l'instant s'encroûte dans le futur de l'expérience. L'expérience dicte le prévisible, sublime le jus d'oreille. Une canne, un grève, Madame Plantin Duruti, Odile Ducras, tout est dit. Ah oui ?